Adrien. Hey, hey, hey, hey. Mm-hmm. Tune my best. Keyboards. Yes, drum, more volume and keyboard. Pump, drum pump up the volume, drum. Gâcher ce moment présent.

Alors, il y a aussi une chanson qui s'intitule « Les beaux jours » sur un riff de BJK Menu. Ok, play guitar. Je ne sais pas ce que l'on pense de moi. Ceux qui ne font rien, eux n'avancent pas. Je ne sais pas ce que l'on pense de moi. Je ne sais pas ce que l'on pense de moi. Ok. Je ne sais pas ce que l'on pense de moi. Ok. Start. tu as l'air tranquille, tu prends ton temps. Ton silence me lasse, tu restes insensible. Avec toi, je pense. The next song. Do you want to play not a ballad? Camaleon. It's nice. Thank you. Yeah. ça, à demain. Devant mon miroir, je ne crie plus ma gloire. Que nous réserve cet avenir? Et si jamais tu disparais, je ne saurais quoi dire. Nice Karma Caméléon. Mmh.